Fréquence Club. Et maintenant, platine, papa. Comme mon mec. Hello, hello, bonjour et bienvenue dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL en écoute sur le 99 FM dans la grande métropole lilloise. Je vous souhaite une très bonne année 2018, la santé avant tout, et profitez de vos proches et votre famille. C'est Kimbo pour vous accompagner durant 2 heures. Auparavant, c'était Tonton J, son émission Back to the House. Il reviendra samedi prochain dès 6h. Nous sommes partis pour 2 heures de musique électronique. Donc dans la première heure, on va se faire un mix où j'ai été pioché dans l'année 2017 et j'ai pris tous les morceaux que j'ai adoré jouer. Donc je vais vous faire un spécial mix avec ces morceaux-là dans la première heure. Et dans la deuxième heure, on verra si on se fait un deuxième mix ou un select tracks. Donc si t'es au boulot, je te souhaite bon courage. Et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique. Chapter 2 Stoic 7h-9h, le son qui vous va bien. Thank you. replays sur le www.fréquenceclub.com. Taking the high road yesterday when he said this about all that. When we arrived, we heard a few boos and we heard some cheers, and I nudged my kids and reminded them that's what freedom sounds like. And but at the end, I did hear what was said from the stage, and I can tell you I wasn't offended by what was said. I'll leave to others whether that was the appropriate venue to say it. So there was a lot to recap from over the weekend in the world of media. Howard Kurtz, host of Media Buzz, with me now. How you doing, Howard? Let's start with Mike Pence. That answer was first class, by the way. Absolutely. Very conciliatory, not wanting to make it into a big cultural fight, even though it was splashed on the front pages of the New York Times and the Washington Post. Look, this was a stunt by the cast of Hamilton designed to grab attention, and it worked. This is nothing less than the icons of American culture refusing to accept the election of Donald Trump and Mike Pence. And it seems to be that. Souhaitant encore une bonne année 2018, vous êtes dans Fréquence Club sur votre radio RPL. Bonne écoute. We'll be right back. FM, c'est la buzz, mec. We'll be right back. réel de 5h à 17h sur le 99FM et 24h sur 24 sur le www.rpl99fm.com. RPL, l'autre radio. La première heure de Fréquence Club s'achève, restez calés, on va enchaîner avec la deuxième heure. Club, 7h-9h, le son qui vous va bien.